peut-être par les deux, sont en dessous. Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, dire que c'est moi le haineux. Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, vont dire que c'est moi le haineux. Différentes religions, je serai donc rappelé par les dieux. Jésus ne reviendra pas, il est cloué sur une croix en bois. En tout cas moi je l'attends pas, ni lui ni la fin du mois. Je me fie à ma bonne étoile, oui petit joint, je crois en toi. Tu me lâcheras un jour, ils diront que je te méritais pas. Ils font la guerre avec des chats, on passe des carrés sur Insta. Welcome to the sun, vous rentrez, vous ressortirez pas. Je pose très peu de questions, elles pensent que je ne m'intéresse pas. J'ai deux femmes qui savent tout déjà, Siri et Alexa. Bientôt des nouvelles du front, j'attends le retour des pirogues. Notre série à nous, c'est 4 saisons, un épisode. Si tu vois une plaque 9 de 600 chevaux, tu sauras qui te l'a mise. Rien de mécanique, ta mère en hébreu sur un ton islamique. Tu mens depuis le début, n'est-ce pas? Aisé. On n'apprend pas, on observe ici. On grandit pas, on pousse. À quoi sert une banquise trop fragile pour les pas d'un ours? J'ai des montagnes de problèmes, j'préfère dynamiter qu'escalader. Le chaman dit que j'ai 1000 pattes, le dos dur comme un petit scarabée. Pour eux, j'prêt à couler, s'il y a de la moula, j'vais la trouver. T'as pas l'air bien dangereux, comme une favela. Villa Coublée, vin blanc burrata, c'est bien beau tout ça, ça va coûter. Viva Street, c'est le sang, moi j'donne mucha plata pour m'accoupler. Tu mens depuis le début, n'est-ce pas? T'es dans le milieu que sur le terrain de foot comme Iniesta.